LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Le périphérique est une véritable nuisance pour des milliers de foyers. Tout le monde connaît ce boulevard périphérique, souvent embouteillé, et ceux qui habitent à proximité s'en plaignent cruellement. Ben, on voudrait déménager, mais on attend. J'ouvre jamais les fenêtres, même en été. Et il fait chaud ici en été. Hein. Des fois, on n'en peut plus. Hein. Il y a des fois, on crie après les enfants pour un rien. Et puis, bon, ben, des fois, à la télé, on l'entend même pas. C'est vrai, on est obligé de mettre le son plus fort, fort, fort. Et puis, même les petites, elles n'entendent rien. Je me demande si elles ne deviennent pas un peu sourdes. Le périph, après tout. Camille Jusa, Benjamin. Il y a au 6e de l'autre côté, les enfants, ils dorment pas. Là, au 14e, j'ai une dame, sa fille, qui a 10 ans, elle couche encore avec les parents tellement elle a peur, des bruits. Puis j'ai une locataire qui est là au... Attendez, quand est-ce qu'elle est arrivée? Elle est un petit peu après les vacances, elle demande déjà à partir, parce qu'elle ne peut pas dormir. Et vous pensez que les gens sont au bord de la dépression nerveuse ou... oh, ben, quelles sont les réactions exactement? Il y en a la moitié qui sont en dépression nerveuse ici, les femmes. Tout le monde se dort avec des cachets, tout le monde se plaint, quoi, je ne peux pas vous dire. J'ai une dame là qui est l'autre côté, dans l'autre escalier au 6e, là en ce moment elle se fait soigner. Le médecin dit le prochain coup c'est la maison de repos. À l'époque, on n'a pas de double vitrage, on n'a pas tous ces dispositifs là. Donc on a tout d'un coup la pollution, on a tout d'un coup les nuisances sonores, c'est l'enfer immédiatement pour les habitants. Justinien Trébillon, urbaniste. Donc on a des cas de dépression nerveuse, on a des cas de gens qui tombent malades, les médecins du coin qui donnent antidépresseurs et somnifères à tire-larigot, mais également des gens qui dorment dans le couloir, des gens qui dorment dans leur placard, des gens qui dorment dans leur salle de bain, parce qu'ils deviennent fous à force d'avoir le bruit du périphérique devant chez eux. J'ai réalisé quelques entretiens avec des habitants, des personnes qui ont connu cette période de construction et qui racontaient comment les ouvriers disaient « mais attention, évidemment que le son va monter et que les personnes qui habitent en haut vont souffrir, c'est une évidence ». Mais les ingénieurs de l'époque ne voulaient pas savoir ou ne voulaient pas prendre en considération ces questions-là. Le cas de la porte de Ménilmontant que j'ai étudié par exemple, on a dès 1967 des élus communistes et socialistes qui font voter des résolutions au Conseil municipal de Paris pour faire couvrir le boulevard périphérique à cet endroit-là. Ces résolutions sont totalement ignorées par la direction de la voirie, qui ne se sent pas redevable au Conseil municipal de Paris, ce qui, à nouveau, dans un contexte d'aujourd'hui, paraît complètement fou, mais c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. En fait, la ville de Paris est sous tutelle préfectorale jusqu'en 1977. Le 31 décembre 1975, une loi obtenue de longue haleine par les différentes forces parisiennes remet en place un maire de Paris qui sera élu en mars 1977 et ça sera Jacques Chirac, le premier maire de Paris depuis Jules Ferry en 1871. C'est un personnage politique élu qui en plus a d'autres ambitions nationales au-delà de la mairie de Paris. Donc c'est quelqu'un qui doit répondre à des citoyens, des citoyennes qui votent ou ne votent pas pour lui. Et tout d'un coup, le sujet du bruit, des nuisances sonores du boulevard périphérique doit être entendu, sans mauvais jeu de mots. Ce qui est intéressant dans la correspondance, c'est de voir à quel point ce changement de régime politique va avoir une influence sur cette raison technique qui, il y a encore quelques années, était si utile à la direction de la voirie pour refuser de mettre en place, par exemple, des murs anti-bruit sous tout un tas de raisons. En gros, un mur anti-bruit, c'est moche, donc on n'en veut pas. Que les gens souffrent du bruit, c'est une chose, mais on ne veut pas que l'aspect visuel du boulevard périphérique soit perturbé. Alors voilà, le périphérique parisien, après ses 17 années de travaux, ses promesses de vitesse, de fluidité, a été d'emblée une épreuve de désenchantement. Car au lieu du monde mat des habitacles, c'est celui infernal des hydrocarbures que nous avons trouvé. Et depuis, le périph, boucle fermée sur elle-même, légèrement autiste, semble nous toiser l'air de dire « Et maintenant, on fait comment ?» Car comment faire, oui, avec l'air irrespirable, le bruit, les tunnels crasseux ou les ponts ventés qu'il faut franchir? Comment faire avec la nécessaire fin du pétrole, l'obligation de vivre autrement et le constat, à l'heure des bouchons, qu'on est loin, très loin du compte? On pourrait rester interdit devant l'inertie de cette masse de béton qui empêche presque de penser. Alors, descendons sur l'asphalte, avalons ces 35 km de circonférence, bref, regardons le périph. Ça circule ou ça bouchonne? Pourrait-on s'en passer? Comment lutter contre ces nuisances? Faut-il en faire un boulevard urbain, avec piétons et cyclistes? À l'heure du nouveau régime climatique, quel avenir pour un tel objet? Épisode 3, et maintenant, que faire? Le rapport au périphérique, vous savez, c'est un rapport de provincial. Moi, j'habitais à la campagne. Et quand vous venez à Paris, vous venez à Paris intramuros. Sinon, vous habitez en province. Il n'y a pas l'extramuros. Moi, j'ai de la famille, par exemple, près de Lagny-sur-Marne, la région parisienne à l'est. Mais en fait, c'est pour moi, en tant que provincial et rural, c'est un peu un entre-deux. David Béliard, adjoint à la maire de Paris, en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie. Il n'y a que Paris intramuros qui existe, en vérité. C'est ça qui fait rêver. C'était là où je voulais habiter, où je continue d'ailleurs aujourd'hui à habiter. Et c'est vrai que pour le coup, en tout cas moi, les yeux de gamin rural des années 80-90 par rapport à la capitale, c'était vraiment Paris intramuros qui était l'objet de toutes les convoitises et l'objet de tous les désirs. Et souvent, les gens qui ont fait de ma génération, qui sont venus à Paris, c'est assez simple, c'est soit c'est Paris, soit on retourne chez nous. C'est la frontière, c'est ce qui permet de rentrer dans cette univers qui est un tout petit univers, c'est un confetti, hein, Paris, 10 km sur 10 km, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est vraiment le lieu, d'abord c'est là où quand on arrive en voiture, la première fois qu'on voit vraiment la capitale, presque, enfin elle est à portée de main, ou en tout cas à portée de rétroviseur. Et ensuite, c'est à partir de là, effectivement, qu'on rentre dans la ville. Mais c'est aussi là, quand on habite à Paris, on s'aperçoit que c'est aussi la frontière infranchissable. C'est-à-dire que vraiment, c'est à la fois une frontière physique, mais aussi une frontière mentale. Encore plus, je me suis aperçu que mon regard de rural s'était même accentué lorsque j'ai commencé à habiter à Paris. Parce qu'en fait, en vérité, il y a plein de blagues autour de ça d'ailleurs. Passer le périphérique, c'est un peu comme toute une aventure, etc. C'est en fait, en réalité, une vraie réalité pour le coup. Parce que même physiquement, moi, je me suis retrouvé à plusieurs reprises à vélo et tout ça, à franchir le périphérique dans des tunnels improbables ou des endroits quand même qui sont, ça s'améliore un petit peu, mais quand même assez glauques. Et on voit bien que cette question de la frontière, elle est majeure. Mais en fait, le périphérique, vous le regardez très différemment lorsque vous prenez conscience que c'est une autoroute en plein cœur d'une ville. C'est-à-dire que c'est quand vous oubliez que c'est Paris, Bagnolet, Pantin, Aubervilliers, mais que c'est en fait un ensemble urbain, en vérité, qui a une forme d'homogénéité, très différent dans ses richesses, dans sa densité, tout ça, mais quand même, c'est un ensemble urbain, c'est une ville, une grande ville, qui s'appelle la métropole du Grand Paris. Eh bien, vous prenez conscience que cette métropole-là, elle est traversée par une autoroute, et c'est en fait, lorsque vous prenez conscience de ça, vous vous dites, putain, c'est quand même une sacrée aberration, parce que lorsqu'on part en vacances ou lorsqu'on va au travail et qu'on prend l'autoroute, on se dit pas, tiens, j'ai super envie d'habiter à côté. On se dit plutôt, le village là-bas qu'on voit à 15 bornes, il a l'air très joli. Mais en fait, on se dit pas qu'on a envie d'habiter à côté. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez des centaines de milliers de personnes qui habitent à proximité d'une autoroute. Et à partir de là, vous vous rendez compte à la fois de l'aberration du système, qui est quand même un système de tout voiture, qui fait qu'en fait on a construit des autoroutes urbaines en veux-tu en voilà, avec des conséquences qui sont des conséquences majeures sur la santé des gens, en termes de pollution de l'air, en termes de bruit, en termes même de pollution visuelle. On est vraiment sur un truc qui est un truc inhumain. Et pour moi, en fait, le périphérique aujourd'hui, c'est une des preuves de l'inhumanité des villes telles que nous les avons conçues et définies, disons, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Le périphérique fait le tour de Paris sur une distance de 35 km. Donc c'est assez considérable, avec à peu près une largeur moyenne de 80 mètres. Donc sur ces 35 km, on a 55 portes. 34 sont connectées au boulevard périphérique. D'autres ne le sont pas, donc c'est des portes qui sont plus calmes. Ce qui fait que finalement, on a à peu près une porte connectée chaque kilomètre en moyenne sur le boulevard périphérique. Patricia Peloux, directrice adjointe de l'atelier parisien d'urbanisme, chargé d'imaginer les politiques d'aménagement de l'agglomération parisienne. Si on prend une bande de 500 mètres de part et d'autre du boulevard périphérique, on a à peu près 550 000 habitants. 55% sont des Parisiens, mais 45% sont donc soit alto-séquanais ou séquano-dionysiens ou val-de-marnais. Donc c'est dire si ce territoire est déjà largement habité. Pour comprendre ce paradoxe, il faut se rappeler que le périphérique, c'est un grand projet d'aménagement qui est venu se poser l'air de rien à l'emplacement de ce qui devait être un grand parc. Reprenons. En 1919, on démolit les fortifications qui enserraient Paris. On décide de faire du côté de Paris les boulevards des Maréchaux, à la place des fortifs, des habitations bon marché, ce sont les immeubles en briques rouges qu'on voit à chaque porte, et devant, on fait des stades, des écoles, on met quelques cimetières et des squares. Et enfin, on garde un dernier anneau pour faire un grand parc. Ça, c'est à peu près le projet en 1930. Et puis, en 1954, on décide finalement de faire un boulevard, et que ce boulevard sera même une autoroute. Donc si on cite quelques chiffres, c'est vrai que selon Air Parif, on a 130 000 habitants qui sont exposés à des seuils supérieurs aux valeurs limites définies par la directive européenne. Donc c'est quand même très important. Et puis selon Bruit Parif, on a également un peu plus de 140 000 habitants qui sont exposés à des niveaux sonores qui sont supérieurs aux valeurs qui sont recommandées par l'OMS. Donc c'est vrai que la problématique, c'est de concilier la grande échelle, puisque l'infrastructure, elle relie à la grande échelle, avec cette problématique locale et d'insertion de l'infrastructure. Et c'est là aussi toute l'ambiguïté de ce boulevard périphérique, qui est un objet que tous les Parisiens et tous les habitants des communes de banlieue, de villes limitrophes connaissent si bien, mais qui en réalité qui est un objet régional, national, voire international. Nous, on a coutume de dire que les infrastructures, c'est comme des fleuves ou des montagnes, c'est-à-dire que c'est des artefacts humains, mais elles ont une portée géographique et géologique. Pierre-Alain Trévelot, architecte, agence TVK. Alors, on l'a appelé la ville du périphérique. Cette ville du périphérique, c'est une ville, mais c'est pas une ville comme les autres. Et c'est une ville effectivement pleine de paradoxes. On a l'impression d'être à la périphérie, or on est au centre de la métropole. Ce qui est quand même une question française assez vertigineuse, c'est une question politique folle. C'est aussi une ville qui a une forme, c'est un cercle. Et dans un pays comme la France, qui est un pays extrêmement centralisé, un pays extrêmement géométrique lui aussi, parce que là, qui a une forme d'hexagone, à l'intérieur de cet hexagone, il y a un cercle. Et ce cercle, c'est presque la forme parfaite qui raconte l'unité française. Donc, enfin, on pourrait faire, je pense, une sorte de psychanalyse du périphérique. Et voilà, c'est vrai que c'est un territoire extrêmement paradoxal, qui est très traversé, parce qu'il y a des millions de véhicules, notamment, et de piétons qui le traversent. Mais en même temps, il est très habité, parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont au bord, mais aussi un peu dedans, ce grand espace ouvert. C'est un espace de jeu, de sport, c'est un espace de cimetière, il y a beaucoup de cimetières. Voilà, il y a beaucoup de fonctions qu'on trouve pas dans les villes de part et d'autre. Donc c'est effectivement un espace paradoxal, parce que certes, vu d'avion, c'est un vecteur de coupure, mais en même temps, si on regarde le système des mobilités, voitures, bus, métro, piétons, au contraire, c'est un espace qui relie énormément et qui est extraordinairement efficace, justement, du point de vue des mobilités. Antoine Vigé-Colère, architecte, agence TVK. C'est-à-dire quand on regarde le nombre de déplacements dans cette partie dense de l'agglomération, cet endroit-là en prend une très large part sur une surface qui est finalement très économe. Donc c'est le regard, il est passé par une façon un peu de dézoomer, et ça on l'a beaucoup fait en arpentant, c'est-à-dire en se baladant, c'est-à-dire en sortant d'une vision justement vue d'avion un peu planificatrice qui dirait on a cet objet et puis qu'est-ce qu'on en fait, plutôt en essayant d'en faire l'expérience, de s'y balader et de comprendre qu'en réalité il est complètement indissociable de ce territoire plus grand qui le contient. Globalement, c'est un ouvrage qui circule. On est rarement arrêté sur le périphérique. C'est un ouvrage qui a une vitesse maximale qui est autorisée, qui est de 70 km/h. Stéphane Lagrange, chef de la section des tunnels, des berges et du périphérique à la ville de Paris. C'est une vitesse qui est atteinte de nuit quasiment systématiquement, même en journée. Il y a la vitesse moyenne sur les périphériques, elle est aux alentours de 38-39 km/h en vitesse moyenne. Voilà. C'est pas mal, c'est plus que Paris intramuros. C'est plus que Paris intramuros, oui. Oui, oui, après, voilà, c'est une structure sur laquelle on n'est pas arrêté, sur laquelle on a des temps de parcours qui sont fiables. Au poste central du périphérique, devant nos yeux, deux immenses murs bardés d'écrans qui quadrillent l'intégralité du boulevard. Ici, on l'aura compris, on s'assure de porter rapidement secours aux accidentés, mais aussi, on s'assure que ça ne s'arrête jamais de rouler, jour et nuit, 365 jours par an. Parce que le périph', c'est un quart des déplacements de la capitale, et quand ça s'arrête, ça désorganise toute la métropole. Et d'ailleurs, dans le mouvement social contre les retraites, on ne s'y est pas trompé. Si on veut bloquer la capitale, c'est ici que ça se passe. Comme si les barricades d'hier s'étaient spontanément déplacées des rues parisiennes vers la voie majeure, la voie centrale de l'agglomération. Et cette voie centrale, c'est aujourd'hui le périphérique. Alors ce périphérique qui doit toujours tourner pour approvisionner la capitale, en distribuer les flux, les échanges économiques, on le brique, on le répare, on en prend soin, toujours par tronçon et toujours la nuit, pour ne surtout jamais interrompre la bête. Donc on est en route pour la Porte des Lilas. Nous avons rendez-vous pour démarrer les opérations de fermeture du périphérique prévues ce soir pour la maintenance. Périphérique, c'est une structure attachante. On se dit comme ça, vu de l'extérieur, que c'est quelque chose d'inerte qui a maintenant 50 ans et que c'est toujours la même chose, c'est juste des voitures qui tournent en rond dessus. En fait, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un projet autour du périphérique, à côté, au bord, qui fait que il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il change. Il y a maintenant des projets de transformation avec les projets de voies réservées dans le cadre des Jeux Olympiques et leur héritage post-Jeux Olympiques. Voilà. Donc, vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est un petit peu toujours la même chose. En vrai, c'est quelque chose où il y a toujours des nouveautés, toujours des... On n'a jamais fait le tour. Alors, c'est vrai qu'il est anonyme, c'est-à-dire c'est le périph'. Voilà, il a un nom, il a son nom, c'est le périph. Pas le périph de quelqu'un, c'est pas le périph construit par, c'est le périph tout court. Après, effectivement, surtout en tant qu'ingénieur à la ville de Paris, on pense forcément aux ingénieurs qui sont passés avant nous et qui ont participé à cette grande aventure de construction du périph. Ouais. Vous trouvez qu'ils ont bien travaillé? L'objet, il est toujours là 50 ans après. Il a toujours une fonction importante dans les déplacements de la capitale. Il fonctionne plutôt bien. Donc, ouais, je dirais qu'ils ont bien travaillé. Voilà, les opérations de fermeture sont lancées. On quitte la Porte des Lilas en suivant le camion en charge du balisage. Et derrière nous, on a les véhicules de police qui vont venir prendre les quatre voies de circulation et réaliser un bouchon mobile. Et donc derrière nous, il n'y a plus rien. Et là, on est sous les immenses ouvrages d'art de la Porte de Bagnolet et on avance à 10 km/h sur un périph' qui est vide devant nous et vide derrière nous. Là, on roule sur un périph' vide, sécurisé, dont les accès sont tous fermés à la circulation. C'est le moment où vous avez le périphérique juste pour vous. Il n'y a plus personne et les entreprises ne sont pas encore là pour travailler. Ça ne va pas durer longtemps. C'est le petit moment que j'aime bien. Et alors quand il n'y a plus de voitures, on voit beaucoup mieux le périph'. On peut faire nos relevés des désordres, des nids de poules, des fissurations, du faïençage. On peut prendre notre temps pour faire des métrés, des relevés et faire tout le travail de surveillance qu'on a à faire et en même temps mener à bien nos travaux. 50 ans de nids de poules à combler, d'enrobés à dérouler, d'ampoules à changer, de piliers à vérifier, d'arbustes à planter et de pelouses à tondre. Ils sont parfois jusqu'à 130 à travailler sur l'asphalte, de 22h30 à 4h30 du matin. Je suis OST, opérateur sécurité trafic. On s'occupe de tout ce qui est... surtout, on veille au bon fonctionnement de la circulation sur le périphérique. Voilà. Donc, notre travail consiste à travailler surtout avec tous les alarmes qui remontent, les vidéos, parce qu'il y a des caméras sur le périph. Donc, s'il y a des objets sur le périph, des personnes, des piétons de fois qui errent sur le périph, surtout les accidents. Quand il y a des accidents à un point kilométrique, on met des informations. Et s'il y a des coupures de courant, désolé, j'ai un appel. Allô ? Oui, bonsoir. Pas encore, ils m'ont pas confirmé la fermeture. Au moins 22h30. Et encore, hein, parce que actuellement, on a deux portions du périphérique. Et on n'a pas encore fini le périph, vous voyez, donc... voilà. Ok, à tout à l'heure. Quand on est en fermeture, on reçoit plein d'appels. Là, c'est les entreprises qui nous appellent pour intervenir. Et ils ne peuvent pas intervenir tant qu'on n'a pas la confirmation. Le ST de fermeture, en l'occurrence, moi. Voilà. Moi, on peut dire que je suis nouveau. Ça fait bientôt 6 mois. Oui, je suis parisien. Je suis né à Paris, donc j'ai découvert des choses sur Paris, sur le périphérique. Oui, j'ai un autre regard. Et surtout l'impact qu'il y a sur le périph', sur la ville. Pour moi, c'était juste une autoroute bien bouchée, c'est tout. Et j'essayais de l'éviter au max. Mais sinon, là, j'ai une autre vision sur le périph'. Voilà. Je sais que c'est pas évident. Parce que c'est nous qui sommes chargés de la bonne circulation du périphérique et c'est pas évident. Deux têtes de barrage ? Pardon ? Deux têtes de barrage, vous avez jamais ? Je crois pas, pourtant je suis au périph depuis janvier 92, alors il y a encore. Il faut innover. Ah mais, il n'y a pas de problème. C'est bien, ça chante. Là on ferme on ferme la bretelle de quai d'ici. Intérieur. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va fermer les souterrains. Voilà, c'est pas terminé quand même. C'est terminé pour le périph'. Voilà. Voilà. On s'est séparés là, on a laissé les équipes de fermeture partir et on est descendu à pied le long de la bretelle d'accès de la porte de Saint-Cloud, juste là où le si célèbre Parc des Princes paraît couché en travers du périph'. Marcher vers l'entrée du tunnel qui porte l'énorme carcasse du stade, lever les yeux vers les gigantesques membrures qui s'élèvent vers le ciel, c'est tout à coup mesurer l'immensité, la lourdeur aussi presque la charge, l'héritage du périph'. Ce n'est pas seulement se sentir tout petit ou vulnérable face aux phares des voitures qui déboulaient de l'autre côté de la glissière, mais simplement se sentir inadapté sur le bitume fait pour les voitures, à se demander si vraiment un jour on allait réussir à le domestiquer. Il y a un travail enclenché à la fois de perspective. Que voulons-nous en faire ? David Béliard. Perspective d'un boulevard urbain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne plus avoir une continuité sur l'ensemble du cercle, mais d'avoir des feux sur le périphérique. On peut imaginer plein de choses. Avoir de la nature, avoir des endroits qui sont plus agréables en termes de vie, tout simplement, de vie quotidienne, notamment pour celles et ceux qui habitent aux alentours. Et puis, réduire la place de l'automobile, ça veut dire réduire le nombre de fils. Et nous avons un sujet avec les Jeux Olympiques, puisque à l'occasion des Jeux Olympiques, une voie dédiée va être créée pour les VIP, pour les équipes des sportifs, et ça leur sera dédié. Et cette voie-là, dans le projet olympique, il est prévu que ce soit un héritage. Cet héritage, ça veut dire quoi? Ça veut dire préserver cette voie pour en faire une voie dédiée au covoiturage. C'est rien de révolutionnaire, en vérité. Beaucoup de villes le font. On voit à Grenoble, par exemple, à Lyon, Los Angeles, par exemple, a des fast lanes réservées aux gens qui utilisent leur voiture à plus de deux, à deux ou plus. Donc, en fait, c'est déjà des procédés qui sont utilisés, mais qui seraient très nouveaux pour le périphérique et qui enclencheraient, d'une certaine manière, une transformation vers quelque chose qui ne soit pas uniquement un axe autoroutier, mais qui soit quelque chose où on pourrait inciter à un usage plus vertueux de la voiture. Vous voyez bien que, en fait, ça peut aller vite, puisque aujourd'hui, en fait, vous avez 70-75% des voitures qui sont aujourd'hui utilisées seules, c'est-à-dire, en fait, l'autosolisme, le fait d'utiliser tout seul sa voiture, est un phénomène massif. Et ça, pour le coup, ça serait une première étape, encore compliquée. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que les oppositions politiques sont extrêmement fortes, mais c'est un enjeu pour nous, en tout cas à moyen terme, pour le périphérique. Il est proposé d'aller vers une homogénéisation du nombre de files de circulation, puisque finalement on a des secteurs aujourd'hui où on a plus de 2x4 files de circulation, d'autres où on a 2x3 files de circulation, d'autres où même on n'en a que deux. Patricia Peloux. Et donc, on a une possibilité, en tout cas une réflexion qui est posée pour réfléchir à une homogénéisation qui permettrait aussi de compacter l'ouvrage et que ces espaces soient utilisés pour d'autres usages. Une des grandes orientations est de développer davantage de nature dans l'esprit de la ceinture verte. C'est-à-dire que la ceinture verte historique est une ceinture verte qui peut apparaître aujourd'hui fragmentée à certains endroits. L'ambition est de développer un corridor boisé très dense, avec un potentiel d'ailleurs de plantation de 50 000 arbres sur le périphérique et ses abords. Donc c'est vrai que ça peut apparaître considérable, mais la direction des espaces verts a d'ores et déjà planté 18 000 arbres entre novembre 2020 et mars 2022. Donc on voit que c'est un projet qui est déjà engagé, qui permet aussi de s'apprivoiser l'infrastructure, de le réemployer en commençant par justement des plantations sur le terre-plein central, sur les talus aujourd'hui qui existent, sur des délaissés. Enfin, c'est beaucoup pour justement travailler cette volonté d'amplifier la ceinture verte avec les communes riveraines. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille sur la bande de 500 mètres de part et d'autre du boulevard périphérique, ce qui permettra d'englober et de franchir cette infrastructure. C'est vrai que le franchissement de la double frontière, les Maréchaux, puis celle-là, parce que c'est une frontière creuse, c'est souvent en tranchée comme ça, il y a quelque chose de terrifiant, non ? Jean-Christophe Bailly, écrivain. Et on se dit, à la limite, peut-être que du point de vue de la circulation automobile, quand c'était l'âge de l'automobile reine, finalement, toutes les automobiles qui sont là, elles ne sont pas dans Paris, c'est toujours ça de prix. Du point de vue de celui qui habite la banlieue proche ou Paris, donc qui normalement devrait pouvoir aller à pied, le véritable parcours du combattant presque que c'est à certaines portes pour aller de Paris intramuros à... Et alors qu'il y a des continuités, par exemple, j'avais fait un travail à Montreuil sur la rue de Paris. Et la rue de Paris, ce n'est rien d'autre à Montreuil que le prolongement de la rue de Montreuil dans Paris. Mais pour aller de la fin de la rue de Montreuil au début de la rue de Paris, bonjour. Et c'est comme ça dans quantité d'endroits. Et c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, qu'il y aurait un travail formidable à faire, plutôt que de construire des tours comme la tour de haut de Jean Nouvel, qui est sur ce type de frontière, plutôt que de poser des nouveaux gros dispositifs sur cette frontière, dispositifs qui forcément la renforcent. Courant sur le périphérique, sous les flashs des stars, les projecteurs nus et pas, les lumières de la ville t'appellent, tu roules vers la nuit et ses charmes, tu revis à peine ta peine et tu sèches tes larmes. À l'intérieur d'un gamos, de michetonneuses te bichonnent. Tu les défonces à la coke et tu te crois dans Pulp Fiction. Tu bouges, tu bombardes à 5 cm de la rambarde, hypnotisé par les points rouges. Et tu te rappelles les jours de Hesse, quand tu comptais tes pièces, quand tu partais de la Tess à 7 dans une caisse à moitié HS. Pas de délicatesse, contrôle pour délai de faciès. Ils te connaissent, t'appellent par ton blason, déjà venu à ton adresse. Roule sur le périph', le coffre chargé de bœufs et douane. Tu sors à porte de Montreuil et tu te fais soulever par la douane. Tous les soirs sur le périph', quand la nuit baisse le voile, les lumières de la ville répondent aux étoiles. On est en bas de la rue de Paris, qui arrive à la porte de Montreuil. En fait, ici, c'est un endroit un peu particulier parce que ça doit être réaménagé. Julien Donada, cinéaste. C'est pas sûr parce qu'il y a des travaux qui prennent du temps. Il y a des gens qui font des pétitions. Et ben, c'est un rond. C'est un rond-point. Et au milieu du rond-point, c'est un trou. Et dans ce trou passent les voitures. Dans le projet qu'ils veulent faire, il n'y aura plus ce trou. Ce sera un jardin au milieu et les voitures passeront à droite et à gauche. En fait, j'aime pas. Parce que en fait, le principe des aménagements, c'est de faire oublier qu'il y a le périphérique, de faire oublier qu'il y a des portes et de mettre du verre absolument partout. Sauf qu'ici, il y a quand même les puces. C'est un quartier assez pauvre. Il y a les biffins, c'est-à-dire les gens qui récupèrent les choses dans les poubelles et qui les vendent, qui sont eux les vrais gens des puces finalement. Donc c'est une vraie tradition qui va maintenant être un peu institutionnalisée puisqu'ils veulent construire des abris et faire un marché évidemment qui va complètement dénaturer ce que c'est que les puces. Moi j'aime ici le chaos de la porte de Montreuil, ça me va très bien, j'habite à 100 mètres de là et c'est quelque chose que j'aime bien et on n'essaie pas de faire croire qu'on est ailleurs que là où on est. Et l'autre problème et de cet aménagement que j'aime pas du tout, c'est qu'évidemment ils vont construire à droite et à gauche de la porte de Montreuil des immeubles, des bureaux, quelques logements, et évidemment ils vont fermer cette porte-là en construisant d'une manière comme au sud de Paris ils ont fait à la porte d'Orléans. Ils vont complètement fermer les perspectives et nous faire croire qu'on peut encore mettre des gens dans des bureaux parce qu'on a le métro et on est à une porte de Paris. On a un sujet, là encore, de débat sur ce que doivent devenir les portes. Les portes, la porte de Montreuil en fait partie, sont des lieux qui sont encore des lieux qui peuvent être perçus comme des lieux encore à urbaniser, à densifier, à recréer de l'activité. Et puis, il y a une autre perception qui est plutôt celle qui est défendue par les écologistes, dont je fais partie, qui est plutôt de dire bon, ben, ces lieux, en fait, doivent être des lieux plus apaisés, avec plus d'espace vert. C'est d'une certaine manière des formes de réserves, alors pas forcément foncières pour créer de la pleine terre, mais en tout cas, qui peuvent en fait être appréhendées différemment. Et là, pour la porte de Montreuil, on a vraiment la confrontation de deux types de projets qui sont deux types de visions. D'un côté, vous avez un projet qui prévoit la densification avec un immeuble pont, avec la création de bureaux, avec la fonte d'une dalle à 70 millions d'euros en plein milieu du rond-point. Et puis de l'autre côté, un projet qui fait plus de part aux espaces verts, qui conserve les puciers et leurs emplacements en plein air. Donc ça fait partie de l'identité de la place et qui est un projet plus sobre et surtout qui ne fiche pas, parce que c'est aussi un des enjeux, qui ne fiche pas le périphérique. C'est-à-dire que lorsque vous recouvrez le périphérique, vous figez le périphérique. C'est-à-dire que vous dites, bon, ben, on accepte que le périphérique existe en tant qu'autoroute et donc pour en diminuer les nuisances, on va le recouvrir. Je pense que ça, c'est déjà un très vieux projet en vérité qui est aujourd'hui porté par Nexity, dont l'acceptabilité est de plus en plus faible. Mais c'est un débat aussi qui cristallise beaucoup, beaucoup de sujets sur comment, du coup, on organise cette ville pour justement faire face à une accélération des dérèglements climatiques. Le grand projet de la mairie de Paris, c'est de transformer toutes les portes en places, essayer d'en faire des espaces habitables. Il y a encore 10 ans, ça voulait dire essayer de couvrir le périph' partout où c'était possible. On l'a couvert à la porte des Lilas, on y a mis un jardin. On l'a aussi couvert porte de Vendre. Quand j'étais petite, je passais là tous les vendredis en voiture, c'était le chemin entre chez ma mère et chez mon père. Une bretelle improbable enjambait d'une drôle de manière la porte, le long des voies de la gare Montparnasse, et on se retrouvait en banlieue. Je me demandais à l'époque si je serais capable de faire ce chemin entre chez mes deux parents à pied, en cas de besoin, en cas d'urgence. Je connaissais le chemin les yeux fermés. Mais ce passage-là était très problématique. C'était un univers dantesque, absolument interdit aux piétons. Et puis la bretelle était très haute et je ne savais même pas ce qui se passait dessous. C'est une longue histoire qui a démarré pendant qu'on était étudiant et puis on remarquait que c'était un territoire qui était assez peu investi, assez peu regardé en réalité, dans lequel il se passait plein de choses, c'est-à-dire qui était un peu endormi côté Paris et en même temps on voyait que du côté des communes riveraines, Il y avait une sorte d'agitation immobilière un peu frénétique. Antoine Vigée-Colère. Et c'est un territoire qui nous, tout de suite nous intéressait parce que justement, il était à la fois synonyme de beaucoup de dysfonctionnements, de problématiques de frontières, de limites, de difficultés, de bruit, de pollution. Et en même temps, il attirait un peu les opérateurs comme un aimant. C'est un territoire qui restait vu comme la périphérie parisienne, en fait. Un mal nécessaire, cette infrastructure détestée, et pourtant où il se passait tout un tas de choses. Donc on a entrepris avec 13 étudiants de faire notre diplôme sur ce sujet, mais de le faire de façon totale, c'est-à-dire de trouver un local près du périph'. Et donc on a passé plus d'un an enfermé dans ce local, à faire des AG permanentes et à arpenter à pied ce territoire pour essayer de le comprendre, de le décrire. Et évidemment, pour un architecte, décrire un territoire, c'est commencer à le mettre en projet. C'est un ouvrage qui, en fait, est très inséré en fait dans le territoire. Il s'installe pas sur un territoire plat ou sur un territoire qui n'existerait pas, dont on ferait abstraction. Bien au contraire, en réalité, il est complètement en prise et il prolonge en quelque sorte la forme terrestre dans laquelle il s'installe. L'exemple qu'on prend autour de la porte de Montreuil, c'est effectivement un système avec des talus très plantés. Quand on continue au-dessus de la Seine, c'est évidemment un ouvrage où là, on est plutôt en balcon sur la Seine. Ensuite, on va petit à petit remonter, rencontrer la vallée de la Bièvre, où là, on épouse vraiment la forme de cette géographie, ça monte et ça descend. Et puis, c'est ce qui aussi explique que le boulevard périphérique, parfois est à niveau, parfois est en talus, parfois il est en ouvrage, parfois il est en tranchée. Qui fait que de toute façon, donner une réponse univoque dans une configuration comme celle-là, c'est pas du tout possible. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça ouvre, à partir de là, des stratégies pour opérer qui sont à chaque fois très, très spécifiques. La connotation périphérique, elle est assez négative, donc on essayait de le déconstruire. Pour nous, elle est plutôt très positive, la connotation périphérique. Quelque chose qui est périphérique jouit de qualités différentes de la centralité. On a évidemment les deux dès lors qu'on raisonne comme ça. Pierre-Alain Trévelot. La France, elle est un peu obsédée par la centralité, hein, notamment la France de l'urbanisme ou de l'architecture. C'est-à-dire qu'elle pense que le salut passe par la centralité, c'est-à-dire des espaces publics dans lesquels il se passe toujours quelque chose, dans lesquels il y a toujours des commerces, des restaurants, dans lesquels il y a toujours des gens qui ont de l'argent et tout ça. À cet endroit-là, on est les deux, et central et périphérique, ce qui est intéressant parce que déjà c'est un peu plus trouble. C'est aussi sans doute plus porteur dans le temps. La chance, elle est aussi que ces infrastructures, encore une fois, l'enceinte, puis le périphérique et les autres qui sont là, elles rendent un certain nombre de grandes qualités terrestres pérennes, finalement. Elles les installent. C'est-à-dire que pour nous, le grand sujet, c'est d'arriver à garder ce grand espace ouvert. Et je pense que les infrastructures, elles aident à faire ça. C'est de l'espace public. Le périphérique, c'est un espace public réservé à la voiture aujourd'hui, mais c'est un espace public. Et le jour où on ira à pied, à vélo ou je ne sais quoi d'autre dessus, on verra les choses autrement. Et là, on cessera de se dire « il faut le couvrir ». Donc se dire « il faut couvrir le périphérique », c'est une idée totalement anachronique qui n'a pas de sens. Donc elles installent une sorte de qualité de rapport à la terre et au ciel. Et ça, c'est fondamental, en fait. C'est quelque chose de bien plus grand et de bien plus profond dans le temps. En septembre 2021, le préfet allemand a décidé de vider, il n'y a pas d'autre terme, le quartier de Stalingrad de ses toxicomanes. L'histoire est intéressante parce qu'on s'en doute, il n'a pas décidé d'aider ces gens. Il les a déplacés. Et il ne les a pas déplacés n'importe où. Il les a mis dans un square, une sorte d'espace un peu résiduel, collé au périph' porte de la Villette. Et ça... Ça raconte que dans l'imaginaire de beaucoup de Parisiens, le périph', c'est la limite de la ville. Cet endroit un peu éloigné, que vous ne regardez jamais, vous ne faites jamais trop le ménage, un peu comme le fond de votre placard. Sauf que ça n'a aucun sens, vu la position du périphérique dans la métropole. Mais si le préfet allemand a pu penser qu'il pouvait se débarrasser de gens à cet endroit, c'est aussi parce que la porte de la Villette, c'est un fatras pas possible. Il y a le périph', les voies ferrées, la petite ceinture. À l'inverse, quand on passe Porte de Pantin, où le périph' barre là aussi tout le paysage et instaure une relation de domination assez brutale, tout a été fait pour en faire une place ou au moins un espace public plus domestiqué. Vélo, tram, voiture, tout est un petit balai ultra synchronisé. Et si vous venez quand la nuit tombe, juste sous le tablier du périphérique, vous verrez un petit bâtiment légèrement scintillant, une sorte de luciole fichée dans la largeur du tunnel, comme une petite lanterne qui vous accompagne pour franchir le périph. C'est un espace de livraison pour le nord-est parisien, les communes de Pantin et du Pré-Saint-Gervais. On est sous le tablier du périphérique, au droit de la palais numéro 4 de la porte de Pantin. Achille Bourdon, urbaniste, agence civile. Et on a donc installé ici un bâtiment qui sert à faire un lien entre des entrepôts situés à l'extérieur de l'agglomération et les destinataires finaux des livraisons qui sont opérées dans le bâtiment, qui est un bâtiment de logistique urbaine. Donc. On a toujours connu la logistique dans la ville, mais elle a été rationalisée, sortie de la ville. Et puis aujourd'hui, on doit la réinstaller parce qu'on doit changer des modes de distribution, affronter les enjeux de la transition écologique, énergétique. Et il faut réinstaller des espaces où puissent être ce qu'on appelle dégrouper des marchandises qui viennent par gros camions pour limiter leur quantité qui rentre dans la ville, pour recomposer des tournées optimisées de petits véhicules qui, eux, font des rotations répétées sans jamais quitter la ville. La logistique, il faut bien comprendre qu'elle a été reléguée en dehors des villes pour qu'elle soit relativement ignorée de notre conscience au quotidien. Et ce bâtiment-là, il avait l'ambition, en tout cas, de révéler l'existence des chaînes de logistique aux yeux de tous. On s'est inspiré de l'adage de Bruno Latour, « Making things public » pour la restitution des choses à la controverse citoyenne, à la compréhension par tout un chacun de ce qui sous-tend les enjeux contemporains de notre monde, quoi. C'est-à-dire la logistique notamment, la livraison, elle ne se réalise pas de manière magique. Il n'y a pas de fait livraison, il n'y a pas non plus de fait électricité. On est tombé de cette illusion-là et on s'est installé sur l'espace public avec un bâtiment léger qui est l'archétype d'un entrepôt mais qui se présente différemment parce qu'il est un entrepôt en plein dans la ville, dans un nœud routier, autoroutier, mais aussi un nœud piéton, parce que la porte de Pantin est très fréquentée. On a la transition vers la ville de Pantin avec un parcours sous l'infrastructure qui est une barrière, hein, qui doit être très très soignée. Et donc l'idée même d'installer de la logistique à cet endroit charnière était un peu conditionnée à une forme de réussite de ce parcours, de cette séquence urbaine. Donc le bâtiment a été pensé comme une vraie lanterne pour animer l'espace. Et puis le bâtiment, il est transparent littéralement de Paris à Pantin. Les portes levantes qui permettent de charger les véhicules pour leur tournée du dernier kilomètre sont transparentes. Et puis aussi, on a construit une vitrine qui littéralement offre la vue vers l'entrepôt. Donc le bâtiment, il est compréhensible dans la totalité de son fonctionnement depuis l'extérieur. Il est transparent. Par opposition à ces grosses masses de béton qui construisent le périphérique, on arrive à trouver une place, un dialogue assez riche entre ces matérialités brutes et un peu sales du périphérique et puis un bâtiment un peu brillant. Donc c'est un espèce de poste avancé de médiation entre la vocation routière de l'infrastructure et puis la vocation de construire de la localité, du service de l'urbanité en fait. Donc par sa fonction logistique mais aussi par son architecture, le bâtiment il dialogue avec le périphérique et il l'apprivoise parce que la question de fond c'est la capacité de l'architecture à accompagner le sens des activités de la ville et à en révéler, à en donner une forme, un visage. Et la question que pose ce bâtiment, c'est comment l'architecture peut accompagner le retour de la logistique dans la ville. Et l'architecture est là pour donner aussi la valeur à ce besoin et à ces activités-là, et qui dit la vocation d'utilité publique qu'elles peuvent assurer. Et pas uniquement une forme de laisser-faire qui dédouane la collectivité de ses responsabilités, alors que la consommation engendre des chaînes logistiques. Le développement des grandes zones qui portent l'avenir économique du Grand Paris appelle un nouveau système. Nicolas Sarkozy, 2009. Transport, automatique, rapide, grande capacité pour relier les grandes polarités urbaines de demain. En réalité, une des pistes pour résoudre les problèmes liés au périphérique, pour le rendre plus aimable, c'est d'en détourner les usagers. Pour ça, deux possibilités. Ne plus avoir besoin de sa voiture et ne plus avoir besoin de venir à Paris. C'est un projet de 130 km. Je souhaite que là où c'est possible, il soit aérien. Que son design, son ergonomie, sa technologie soient exemplaires. Rêvons qu'il soit une vitrine mondiale de notre savoir-faire en matière de transport. Et qu'il permettra de faire que se déplacer devienne un plaisir. Il s'agit de préparer l'avenir. Il ne s'agit pas, que je sois bien entendu, de retrancher. Il s'agit d'ajouter. Ce qui a été décidé sera mis en œuvre. Les engagements de l'État seront tenus. Parce qu'évidemment, il y a toutes ces petites sutures qu'on est en train de faire pour réparer les abords du périph', et elles sont indispensables. Mais en réalité, à l'échelle de l'agglomération, ce sont moins les chantiers du périph' qui vont changer sa destinée que ces kilomètres de tunnels qui forent la terre d'Île-de-France en ce moment et qui préparent l'arrivée du nouveau métro qui fera le tour de Paris à environ 3 km du périph'. Alors, on voit des grues, on voit du béton. On voit quand même des bâtiments qui sont là depuis pas mal d'années, qui ont déjà marqué de façon positive, parce qu'il y a l'hôpital, il y a des bureaux qui sont peut-être un petit peu avec une écriture un peu ancienne, mais qui existent. C'est un contexte qu'on voit. Et cette notion du contexte, elle est centrale. Il faut sentir les vents, il faut sentir les masses, il faut sentir les vides. Au départ, ici, c'était un grand parking pour les voitures. Cyril Tretou, architecte, agence Anne-Main. Là, on est vraiment dans un point incroyable. Il faut comprendre que pour fabriquer cette gare, ils ont bloqué une rue qui était une rue hyper importante dans Créteil, qui servait à une connexion entre les deux côtés de l'hôpital, parallèle aux voies ferrées. Ils ont coupé parce que, là, vous voyez ce qu'on appelle la boîte gare. C'est la boîte qui est enfoncée dans le sol, qui se connecte au tunnel qui passe en dessous. On est dans l'axe des rails, exactement, qui est pratiquement au-dessus de la voie qui a été coupée et qui sera reconstituée dans un second temps. Donc on a là vraiment la sensation de cette place publique qui est en train de se créer. Il y a des volumes complémentaires, mais on a déjà l'ambiance et l'architecture. Cette place qui va s'ouvrir sur la voie publique, sur le pôle de transport avec les bus et sur les existants, c'est-à-dire la partie de l'hôpital. L'histoire de ces gares du Grand Paris, j'ai toujours dit, dès le premier jour, j'ai dit que ce n'est pas des gares, ce sont avant tout des projets d'urbanisme. Ce sont des projets urbains. Et la gare de Créteil-les-Chasses, c'était une gare assez étonnante parce que dès le départ, se posait la question de faire autre chose qu'une gare. Il y avait aussi le projet de construire un vrai morceau de ville, un espace public et un quartier. Le Grand Paris Express, c'est 200 km de nouvelles lignes, 90% du réseau est souterrain et 68 nouvelles gares. Il faut aussi avoir en tête que la majorité des gares qu'on construit sont en correspondance avec le réseau existant. Donc, le métro, par exemple, ici à Créteil, la ligne 8 qui passe ici, mais aussi le RER, évidemment, qui croise à de nombreuses reprises notre réseau. Pierre-Emmanuel Bécheron, responsable architecture et culture, Société du Grand Paris. Donc, c'est pas un manège qui tournerait sur lui-même ou un nouveau périphérique autiste de son contexte urbain et des autres réseaux. Mais c'est vraiment une extension du réseau existant qui présente la spécificité d'être en rocade et donc de former ces grandes boucles qui viennent permettre de connecter les villes de banlieue entre elles. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Île-de-France, on le sait assez peu, 70% des déplacements se font de banlieue à banlieue. Ne se font pas, en fait, du centre vers la périphérie ou de la périphérie vers le centre, mais de banlieue à banlieue. Et donc, ce réseau, finalement, répond aussi à un manque. Aujourd'hui, quand vous voulez vous déplacer de banlieue à banlieue, il n'y a guère que deux solutions. C'est soit prendre le RER et repasser par Châtelet-Les-Halles au centre de Paris pour ensuite regagner une autre banlieue de la région parisienne, soit prendre sa voiture et passer par le périphérique. Alors le projet surgit de manière très concrète en 2010 avec une loi, la loi sur le Grand Paris, qui est passée à l'époque sous l'impulsion du président Sarkozy, avec une idée forte qu'on retrouve dans la loi, qui est que ce projet est d'abord un projet urbain, un projet social, un projet économique et un projet environnemental qui s'appuie sur la création d'un réseau de transport. Donc on voit bien la philosophie du projet initial, c'est on ne crée pas une infrastructure pour elle-même et pour améliorer uniquement la question des déplacements, mais on crée un nouveau métro pour faire la ville et fabriquer la ville sur elle-même. À la place de ce grand parking, il y aura donc bientôt ici une gare en forme de U qui est venue se placer entre les bâtiments existants et qui ménage une grande place. Aujourd'hui, c'est grand vent dans le Val-de-Marne, alors tout vole et on marche dans les flaques d'eau. Mais demain, il y aura ici une grande opération immobilière avec des logements, des équipements publics, des aménités, comme on dit aujourd'hui, de quoi accrocher son vélo, s'acheter un sandwich. Et puis, cette grande gare, immense, dont aujourd'hui on ne voit que les volumes à nu, gigantesques. On est dans la gare, là. On vient de rentrer dans la gare à travers la place publique. Et on est dans une situation où on peut aller à droite pour rejoindre la ligne 8. On voit cette énorme ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'idée, au-delà de cette place publique, c'est de se dire que quand on rentre dans une gare, jusqu'au dernier moment, on continue à être connecté à la vie urbaine. Plus on amènera la lumière naturelle dans les gares et plus on aura l'impression de ne pas rentrer dans un trou. Et vous verrez dans les parties de quai, on a créé des grands puits de lumière qui amènent cette lumière naturelle jusqu'au quai. Fin de journée, une lumière chaude, une lumière orange, on a envie qu'elle vienne jusqu'au quai. Le fait d'avoir déjà choisi pour chacune des gares des architectes pour créer ces gares, d'avoir d'emblée pensé que ces gares étaient des outils de développement urbain, d'avoir d'emblée souhaité apporter une attention à la qualité architecturale, qualité des ambiances, au confort. L'idée aussi d'inviter des artistes pour investir ces gares. Il y avait dans toutes ces premières philosophies qui ont guidé le projet, cette ambition de faire du beau pour la banlieue. Ces territoires qui, pour beaucoup, ont été fracturés par des infrastructures, qui, pour beaucoup, n'ont pas fait l'objet de l'attention, sans doute architecturale, qualitative, que ces territoires pouvaient mériter. Ce projet vient apporter aussi une réponse qui est pas uniquement fonctionnelle, mais aussi symbolique. Le Grand Paris Express est un projet politique. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. C'est un projet politique, mais au sens peut-être le plus noble du terme de politique. Puisque c'est un projet qui doit permettre effectivement de desservir tous les équipements structurants de la métropole et d'améliorer leur accessibilité. On parle évidemment des lieux de santé, on est ici à côté de l'hôpital Henri-Mondor. On peut avoir en tête les lieux de culture, d'accès au savoir hein, via les universités, aux écoles. C'est un moment assez exceptionnel pour moi, parce que vous savez, dans notre métier, on dessine. On a maintenant, grâce aux technologies du numérique, on arrive à visualiser un petit peu dans des lunettes. Mais ça reste quand même quelque chose qui est une impression. C'est une expérience qui dit, ben tiens, le volume, il est bien, la hauteur est bonne, l'ouverture est bien positionnée. Là, pour moi, c'est vraiment des sensations... je suis très ému, en fait, parce que c'est concret. C'est magique. On a toujours une petite appréhension quand on vient quelques mois après sur un chantier. De se dire, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a vu juste? Oui, je suis assez ému parce que je découvre pour la première fois le volume de la mezzanine, qui est un des grands lieux de cette gare. On est descendu sur les quais. Et on voit dans la perspective, là, le tunnel. On voit le tunnel. Alors, il faut savoir que l'entièreté du tunnel, la ligne 15 Sud, est aujourd'hui percée, donc 33 km. On termine de poser les voies sur l'ensemble de ces linéaires de tunnel. Il y a déjà 17 km de voies qui sont posées aujourd'hui. Et à l'échelle du Grand Paris Express, on a percé déjà à peu près 90 km de tunnel. Donc on attend évidemment sur ce projet du report modal, ce qu'on appelle le report modal dans le jargon, c'est le changement d'outils de déplacement des gens. Donc passer de la voiture finalement au transport en commun, au métro, parce que le métro est plus simple, plus facile et moins cher, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui pour beaucoup d'habitants de la région parisienne. Donc on attend évidemment ce passage de la voiture vers le métro. On attend aussi un déchargement des lignes, et ça c'est important de l'avoir en tête, qui sont aujourd'hui saturées, et notamment des lignes de RER qui passent dans Paris. À peu près moins 20% de trafic sur le RER A, moins 20% de trafic sur le RER B, puisqu'évidemment les gens demain ne seront plus obligés de passer par le centre de Paris, par Châtelet-Léal, pour relier un territoire du Grand Paris à un autre. Alors ici, pas encore de rails. Non, les rails vont arriver, je crois, dans quelques mois. La livraison de cette gare est prévue pour fin 2025, avec l'ouverture globale de la ligne 15 Sud à cet horizon-là. C'était « Et maintenant, que faire ?» avec David Béliard, Justinien Tribillon, Patricia Peloux, Pierre-Antoine Trévelot, Antoine Vigé-Colère, Jean-Christophe Bailly, Julien Donada, Cyril Trétou, Pierre-Emmanuel Bécheran. Archivina Denis Forget, documentation musicale Antoine Vuilloz, prise de son Éric Audra, Virginie Lorda, Marc Garvenès, Johanna Grabic, Andréas Jaffray, Jean-Guy Lermège. Mixage Jason Taous, stagiaire Malo Toquet, attaché d'émission Marivonne Bolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran, Le Périph après tout, une série documentaire de Camille Jusa, réalisée par Benjamin Hu. Collection, ils l'ont vécu. Dans cette nouvelle saison, retour en archives et en témoignages sur le 19 avril 1943. Ce jour-là marque le début du soulèvement de la population juive contre les troupes allemandes, dans un quartier de la capitale polonaise, le ghetto de Varsovie. En 1942, on savait que les gens partaient à Treblinka, qu'ils étaient gazés. Collection « Ils l'ont vécu » saison 6, l'insurrection du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943 de Johanna Szewitz, réalisée par Laure-Hélène Planchet sur franceculture.fr et l'appli Radio France.